Léa, quel film es-tu allée voir cette semaine? Alors, moi je suis allée voir Bridget Jones Baby. Pour une fois qu'ils n'ont pas traduit un titre. Donc ça veut dire le bébé de Bridget Jones. Sans déconner. À l'époque où on produit plus de suites que des scénarios originaux et qu'on consomme des franchises comme on vide la batterie d'un iPhone, le troisième opus de Bridget Jones n'arrive clairement pas à pic. Surtout 15 ans après le premier devenu culte et 12 ans après un second film en dessous qui comportait quelques lourdeurs, il y avait de quoi se planter. Mais moi, j'aime beaucoup les suites qui arrivent tard. Et aujourd'hui, enfin mercredi plutôt, j'ai retrouvé... Non mais en fait j'ai écrit ma chronique mercredi. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé notre meilleure copine, Bridget, ses amis loyaux mais très occupés par leur nouvelle vie de famille, ses parents timbrés mais tellement ordinaires, et surtout l'amour de sa vie, donc l'amour de notre vie à toutes, Mark Darcy, dont elle s'est malheureusement séparée. Juste au moment où elle rencontre un bel inconnu, joué par Dr. Mamour himself, elle retrouve Mark lors d'une soirée. Jusque-là, elle gère. Bah oui, deux mecs canons, ça va, on gère quoi. Mais un matin, elle se découvre enceinte et là, c'est le drame. Qui est le père? C'est avec un plaisir infini qu'on retrouve la célébritish la plus marquante de la pop culture, toujours gaffeuse, maladroite et sexy, mais jamais vulgaire ni gourdasse. Elle collectionne les situations galères et les relations amoureuses catastrophes, ce qui nous donne des scènes à l'humour grinçant où on aime rire d'elle et avec elle. Bridget, c'est un peu moi, c'est un peu Floriane, mais c'est un peu Sophie aussi. C'est un peu vous, chères auditrices. C'est moi aussi. C'est, oui. c'est aussi Arnaud. C'est tout le monde finalement. Renée Zellweger est totalement habitée par le rôle qui l'a rendue si célèbre. En plus d'être aussi talentueuse que dans les précédents, elle est vraiment belle et porte très bien sa quarantaine, qui lui va même mieux que sa trentaine. Comme quoi, faut pas perdre espoir. Et le fait que les femmes de 40 ans ne soient que très rarement héroïnes de comédies romantiques rend ce film encore plus beau et encore plus touchant. Colin Firth est toujours impeccable dans son rôle d'avocat froid mais transi d'amour, et Patrick Dempsey vient parfaitement se fondre dans la franchise, tellement qu'on en oublierait presque Hugh Grant. Attention, j'ai dit presque. Et bien sûr, il y a la pépite casting du film, Emma Thompson, véritable pilier incontournable du genre comique britannique, qui ajoute un grain de folie à cette histoire, pourtant déjà bien barrée, avec son humour pince sans rire et ses mimiques légendaires. Alors, ce n'est pas une révolution cinématographique, c'est même parfois un peu de mauvais goût, avec ces zooms qui nous sortent un peu de l'émotion. On souhaiterait un petit travelling par-ci, par-là pour bien emballer le tout, mais le reste fait tellement le boulot qu'on pardonnera à la réalisatrice son manque d'implication à la mise en scène. Loufoque et amoral, ce film est plein de positivité. Une tendre satire avec pile ce qu'il faut de piquant, et pour ne rien gâcher, la bande originale est pop, rock et rafraîchissante. On verse quelques larmes, mais surtout, on se bidonne pour des bêtises, et on adore ça. Ça fait un bien fou, et en sortant de la salle, on n'a qu'une seule envie. Le quatrième ! Oui ! Merci Léa !